standard de la physique des particules est un modèle solide. C'est ce modèle qui ordonne les plus petites briques de la matière ainsi que les quatre forces qui régissent leurs interactions. Mais régulièrement, ce modèle tangue, comme récemment, suite à une expérience menée au LHC, le grand collisionneur de Hadron, une dissymétrie dans la désintégration d'un méson. Dissymétrie qui, si elle est confirmée, pourrait conduire à la découverte de nouvelles particules et pourquoi pas une particule plus petite que la plus petite d'entre elles, l'électron. Une particule pas si élémentaire, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans le monde de l'infiniment petit et nous livrer l'état des connaissances de la physique sur l'électron, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et l'honneur Jean Iliopoulos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, fondateur du laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure. Nous avons également le plaisir de recevoir Mathieu Delbecq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Vous travaillez dans l'équipe circuits hybrides quantiques du laboratoire Pierre Aigrin à l'École normale supérieure. Vous pouvez suivre comme chaque jour en direct notre émission sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pourrez trouver un certain nombre de liens vers les études qui vont être évoquées, également des schémas. Ça peut être utile, vous verrez, quand on parle de physique des particules, d'avoir parfois quelques supports visuels. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ce fil Twitter @laméthodefc. Alors avant de nous lancer ensemble à corps perdu dans ce nouveau problème de dissymétrie dans la désintégration des mésons B0, on va pas faire fuir les auditeurs tout de suite, mais c'est en moins un problème qui pourrait potentiellement faire tanguer le modèle standard, comme je le disais à l'instant. Nous allons, si vous le voulez bien, reposer quelques bases historiques et théoriques sur ce fameux électron. Pour commencer, peut-être par quelque chose d'assez simple, Jean Iliopoulos, l'électron, c'est la première particule élémentaire qui ait été découverte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et comment? Eh bien, c'était la première, si vous voulez. Ça a été découvert à la fin du 19e, 1896 ou par là. 94, si, voilà. Donc, c'était la première qui est... Bon, c'est quand même la particule la plus abondante, n'est-ce pas? Donc, c'est les électrons qui tournent autour d'un noyau, etc. Donc, c'est pas étonnant que c'était la première qui avait été isolée. Et donc mesuré, ce qu'on avait mesuré, c'était le rapport charge sur masse, donc on avait vraiment des mesures très précises. Et après, c'était en 1900 où on a vraiment identifié l'électron comme celui qui venait qui était la particule, à l'époque on croyait qu'il n'y avait qu'une seule, la particule de rayon bêta, ce qu'on appelait le rayon bêta, c'était ici en France d'ailleurs que ça s'est fait. Et depuis, en effet, c'est la particule la plus connue, pour ainsi dire, de toutes les particules qu'on connaît. Voilà, on va refaire le tableau général de ce modèle standard de la physique des particules. Restez encore un peu sur cette historique de la découverte de l'électron. Ce qu'il faut peut-être préciser, vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean Iliopoulos, c'est l'Irlandais George Stoney qui invente le mot en 1894, parce qu'à l'époque, on cherche surtout à comprendre la nature de l'électricité. Électron, oui, c'est lié à l'électricité. Bon, mais bien sûr, oui, vous avez raison. Électron, ça vient du grec. Électron, c'est en fait l'ambre. On attribue à Thalès de Milet, le premier, le Miltos, qui avait observé que lorsqu'on frottait un morceau d'ambre, Quand on le frottait sur de la fourrure. On connaît que c'est le fait de l'électricité électrostatique. Bon, à l'époque, on ne le savait pas, mais c'était une propriété qui était attribuée justement à électron, donc à l'ambre. Et d'où le nom électron, etc. Les premières découvertes, en tout cas les premières expériences à proprement parler, elles sont réalisées, donc on est toujours à la fin du 19e, début du 20e siècle, par Joseph Thomson, oui. Via une expérience sur des tubes cathodiques. Vous pouvez nous décrire cette expérience? Bon, je ne sais pas si vous voulez. Ou Mathieu Delbecq. C'est une expérience où l'on va faire passer donc, entre deux électrodes, donc on va appliquer un potentiel électrostatique entre deux électrodes et on va arracher en fait des électrons à une des électrodes qui vont être attirés par l'autre électrode. Et en fait, en appliquant donc donc il y a eu plusieurs expériences successives en fait qui ont été faites sur plusieurs années. Et donc c'est finalement Thomson en 94 donc qui a vraiment fait l'expérience la plus poussée à ce sujet-là. Donc en utilisant donc des champs magnétiques ou des potentiels électrostatiques, en utilisant par exemple donc une plaque qu'on vient mettre entre les deux électrodes auxquelles on applique donc un potentiel. Donc une tension, on voit en fait que le faisceau d'électrons qui était visualisé en fait est défléchi et ils en ont déduit donc que cet électron possédait donc une charge négative, électronique négative et donc c'était effectivement dans ces premières expériences ceci a permis de confirmer en fait la charge donc ce rapport charge sur masse comme disait donc Jean tout à l'heure. Ils ont été dans les expériences ultérieures que Robert Millikan, lui, par contre, a mesuré vraiment précisément la charge de l'électron dans une fameuse expérience de la goutte d'huile. Mmh. Il a fait donc léviter une goutte d'huile chargée et donc en mesurant le potentiel, donc la tension nécessaire pour maintenir cette goutte d'huile en suspension, a pu en déterminer donc la charge de l'électron. C'est la première mesure, effectivement, de la charge de l'électron. Jean Lioupoulos, oui, vous vouliez compléter? C'était une très belle expérience, vraiment une de celles qui sont restées dans les livres de la physique depuis. Et qu'on reproduit avec les étudiants régulièrement. Évidemment, la connaissance de l'électron accompagne la connaissance de la structure de la matière, de l'atome. À quel moment ? Ça, c'est venu un peu plus tard. Parce que d'abord, l'idée des atomes n'était pas évidente à la fin du 19e. Il y avait Boltzmann, il y avait des gens très grands qui avaient déjà anticipé ça. Mais en fait, en 1911, il y a une expérience de Rutherford qui a eu l'idée de, je ne sais pas pourquoi il a eu cette idée, mais en fait c'était une idée géniale, de bombarder, il avait déjà commencé à faire ces expériences en 1909, donc en 1911 c'était des expériences très précises où il bombardait une feuille d'or, une fine feuille d'or par des ce qu'ils appelaient à l'époque des rayons alpha qui sont en fait des noyaux de lions. Alors, pour sa grande surprise, il voyait qu'il était aidé par Geiger et Marsden Rutherford ne pouvait pas travailler dans le noir, il ne voyait pas bien, donc c'était en fait les autres qui faisaient l'expérience. Et il voyait, à leur grande surprise, que la plupart des rayons de particules alpha passaient à travers La feuille d'or sans subir aucune déviation. Et de temps à autre, il y avait quelques particules qui étaient déviées à très grand angle. Même il y en avait qui revenaient vers l'arrière. Alors, bon, il paraît que c'est Rutherford le seul qui a compris la signification de ça. Et il a construit ce qu'on appelle le modèle atomique, le premier modèle atomique, où il disait qu'il y avait un grain dur qui était le noyau, dont on ne sait pas encore la composition, ça viendra plus tard. Un grain dur positivement chargé et des électrons qu'il connaissait donc avec la charge, qui tournaient, c'était un peu le modèle solaire, pour ainsi dire. Des électrons qui gravitent autour avec la masse qui était surtout concentrée au marge. Alors, ce modèle n'est pas correct, parce qu'un électron qui tourne classique, qui tourne dans le champ du noyau, aurait émis du rayonnement au bout de très très court temps, enfin quelques fractions de secondes, serait tombé sur le noyau. Mais quand même, c'était le premier modèle, c'était le Danois Niels Bohr qui était... Le fameux atome de Bohr, oui. Oui, voilà, qui avait fait le... Mais en faisant cette expérience Rutherford, d'abord... Bon, il a inventé le noyau atomique, donc il a créé la physique nucléaire, mais aussi il est devenu le père d'une nouvelle méthode de sonder la matière qui n'était pas en envoyant de la lumière, mais en envoyant des particules énergétiques. Et depuis, on ne fait que ça. Et surtout, Rutherford a l'autre apport majeur de Rutherford, c'est que c'est le premier, Mathieu Delbecq également, à poser des notions de quantification de la matière. Oui, tout à fait. Donc, à la fois Rutherford et puis Born après. Donc, effectivement, c'est le modèle, dans ce modèle atomique, c'est d'imaginer que, en fait, les électrons vont être en orbite, comme l'a dit Jean tout à l'heure, autour de l'atome, mais qui vont être sur des orbites, en fait, non pas continues, entre guillemets, mais qui ne peuvent entrer que sur des orbites bien définies, dont, en fait, l'écart d'énergie entre ces orbites correspond, des raies, d'excitation, d'absorption des atomes. Et donc ce modèle de Bohr qui a finalement introduit donc cette quantification des orbites électroniques en fait marchait bien pour l'atome d'hydrogène qui est donc le plus simple, mais c'est montré en fait imparfait, en tout cas ne pas fonctionner pour les autres atomes autres que l'hydrogène, donc montrant qu'il fallait alors à ce moment-là effectivement quelque chose aller plus loin. Et donc c'est là où finalement l'avènement de la mécanique quantique a pu permettre de résoudre ce problème, notamment avec le fait que l'électron, donc le concept de dualité onde-corpuscule, en tant que l'électron n'est donc pas en fait une particule qui orbite autour du noyau, mais en fait une sorte de paquet d'ondes. De nuage, voilà. On va revenir sur cette notion d'onde-corpuscule, parce qu'on va voir que c'est essentiel pour bien comprendre la nature de l'électron. Ce qui est important dans cette notion de quantification de la matière, c'est que c'est à cette époque-là que l'on commence à comprendre que les lois générales, en tout cas de la physique que l'on connaît, ne s'applique pas à l'infiniment petit, Jean Liopoulos. C'est vrai. Ce n'est pas que les lois ne s'appliquent pas, c'est que les lois ont besoin d'être corrigées. Mm-hmm. Disons qu'il y a des lois plus générales. Enfin, une loi physique, vous savez, ce n'est que le condensat de notre expérience. Nous, qu'on formule la loi, donc on regarde autour, et une loi physique, en fait, à un moment donné, représente l'état de notre connaissance et donc des observations qu'on a pu faire. Jusqu'à la réfutation suivante. Exactement. Et la réfutation, d'habitude, ce n'est pas que la loi est fausse, c'est qu'il y a un paramètre caché quelque part, qu'on, notre loi, c'est pour une valeur précise de ce paramètre, et après, si on veut faire mieux, on doit tenir compte de la vraie valeur, et c'était la constante de Planck dans ce cas. Alors, à quel moment aussi, parce qu'on avance effectivement dans l'histoire, effectivement, et puis on va arriver très vite à Einstein, donc avec d'une part le développement de la relativité restreinte, de la relativité générale, puis de la mécanique quantique, mais à quel moment de l'histoire de cette connaissance des particules élémentaires, de la première particule élémentaire, prend-on conscience qu'il s'agit là d'une particule universelle constitutive de la matière, que l'électron, finalement, on le retrouve partout? Jean-Liopoulos. Ça, c'est plus. Il n'y a pas un moment précis. Ça a pris du temps vraiment pour les gens de comprendre. Mais en fait, je pense que le modèle atomique était vraiment le point crucial. À partir du moment où on avait compris que vraiment l'électron, c'était vraiment l'élément de tous les atomes, pas seulement l'atome d'hydrogène. Mais bon, l'universalité, ça suivait. Et je vous dis, c'est. Lorsque vous dites un moment en physique, il y a quelques personnes qui ont une idée, après d'autres, ça prend du temps que cette idée devienne généralement admise. Et d'ailleurs, je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous consacrions précisément à cette notion de continuité et de paradigme scientifique. On en parlait jeudi dernier au cours des rendez-vous de l'histoire à Blois. On va vous mettre le lien sur les fils Twitter de l'émission. On a passé une heure à essayer de comprendre effectivement si l'histoire des sciences était continue et discontinue, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous parlons de l'histoire de l'électron. Mathieu Delbecq, vous l'avez évoqué, cette dualité onde-corpuscule, elle est découverte, ou en tout cas elle est théorisée par Louis de Broglie, qui est un Français, en 1924. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que cette dualité onde-corpuscule? Et puis on va y revenir dans un reportage dans quelques instants. C'est une vaste question, vaste programme, effectivement. L'électron est-il un corpuscule ou est-il une onde? Alors il est un peu des deux, alors, il est les deux en même temps. Donc, il effectivement, est... je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question plusieurs moments dans l'émission, donc ça finira. Mais effectivement, c'est tout, on va dire, la subtilité de cette mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on va dire que donc les particules sont également des ondes, mais en fait, la façon dont on peut le voir, c'est qu'il y aura des expériences qui vont où le caractère ondulatoire va plus ressortir. d'autres expériences où le caractère corpusculaire va être plus apparent. Mais en réalité, quand on veut effectivement comprendre les phénomènes qu'on observe, ce ne sont ni des ondes ni des particules. En fait, ce sont juste des états quantiques qui vont un peu avoir des deux ingrédients, si on veut. Et il faut traiter le problème entièrement comme ceci. Donc c'est effectivement une notion nouvelle qui a aussi constitué une sorte de révolution disons conceptuelle à l'époque. Mmh. Parce que quand on représente traditionnellement un électron, on représente un noyau avec des protons et des neutrons agrégés et autour on voit des petites billes tournées. Donc ça c'est l'état corpusculaire qu'on représente pour se le figurer, mais c'est un peu plus compliqué que ça, Jean-Eliopoulos. Je pense que ça a été très bien dit, c'est ni une particule, ni non, c'est un électron. Et c'est une autre réalité physique, c'est un électron qui, parfois, lorsqu'on le regarde de certaines façons, par exemple, si j'envoie un électron sur un écran, je vois un petit point, donc c'est comme une particule, vraiment un impact, il n'y a qu'un seul, il n'y a pas plusieurs. Mais si j'en vois beaucoup, je vois tous les problèmes, tous les effets d'interférence dedans. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs ondes. Mais ce n'est pas que parfois c'est une onde, parfois c'est une particule, c'est que c'est un électron qui a des aspects corpusculaires, des aspects ondulatoires, et on le fait, disons, apparaître selon les expériences qu'on fait. C'est ce qu'un grand nom de la physique quantique a réussi à mettre sous forme d'équation. C'est l'équation de Schrödinger, qui est l'approche probabiliste. On est les deux pieds dans la mécanique quantique. 26, oui, ça c'est 1926. Mm. C'était déjà... Il y avait les relations de Heisenberg. Et je pense... Bon, l'histoire est un peu compliquée, parce que en fait, Schrödinger a voulu trouver une équation d'onde pour justement expliciter, disons, du point de vue mathématique, les idées de De Broglie. De Broglie avait ses idées, mais n'avait pas écrit une équation d'onde. Il a mis 2 ans d'écrire cette équation, même si elle a l'air très simple. Et la raison, en fait, c'est qu'il cherchait une équation relativiste, bien sûr. Mm-hmm. Parce que la relativité, on la connaissait depuis plus de 20 ans. Et il n'arrivait pas, il ne trouvait pas. Et bon, l'équation relativiste a été trouvée une année plus tard par Dirac. Donc, il a mis du temps. Schrödinger d'abord, Dirac plus tard. Oui, exact. Alors, pour bien comprendre cette dualité, parce qu'on va voir qu'elle est très importante pour bien appréhender la nature de l'électron et pour comprendre la suite des développements que nous allons donner à cette émission au cours de 7 heures, eh bien, nous sommes allés l'observer, cette dualité. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes donc rendu au laboratoire dans lequel travaille Mathieu Delbecq, le laboratoire Pierre Aigrin à l'ENS, pour assister à une expérience qui étudie donc l'aspect ondulatoire de l'électron. Oui, tout à fait. Alors, selon la méthode d'observation, l'électron peut apparaître soit comme une particule, soit comme une onde, ce qui est moins intuitif. Mais comme vous l'avez dit, Louis de Broglie avait déjà découvert cette nature ondulatoire des électrons, sans pouvoir toutefois l'observer. Alors aujourd'hui, beaucoup de physiciens y parviennent, comme l'équipe de Gwendal Fèvre, que j'ai retrouvée avec Hugo Bartolomei. À très basse température, avec des super frigos, ils arrivent à isoler un électron unique, ce qui permet de comprendre, à l'échelle d'une particule, la dualité onde-corpuscule. Dans un fil de cuivre, les électrons se comportent vraiment comme des particules classiques. Donc on peut les imaginer comme des billes chargées, comme des corpuscules. Donc ça, c'est vraiment une description qui est valable pour les conducteurs macroscopiques à température ambiante, qui considèrent les électrons comme des corpuscules. Maintenant, quand on change d'échelle et qu'on étudie des matériaux à des échelles plus petites, donc typiquement les échelles de la micro ou nano-électronique, et qu'en plus on rajoute à ça des températures basses, voire très basses, eh bien on va rentrer dans un régime qui est celui qui nous intéresse, qui est le régime purement quantique. Donc là, il va falloir abandonner la description de corpuscules, et les électrons vont plutôt manifester un comportement ondulatoire. Nous, donc, on va chercher à se placer dans les conditions qui exacerbent ce type de comportement. Alors, ça, c'est le réfrigérateur, ça s'appelle un réfrigérateur à dilution. Donc, les températures dont on parle, c'est les dizaines de millikelvin. En fait, on va procéder par étapes pour atteindre ces températures-là. On va utiliser en général, donc c'est le cas de ce frigo-là, c'est pas le cas de celui d'à côté, un liquide frigorifique, ici de l'hélium liquide. Si je plonge cet insert dans l'hélium liquide, je vais pouvoir refroidir l'ensemble à 4 Kelvin. Et qu'est-ce qu'on mesure exactement ? Donc nous, on mesure ensuite, donc vous voyez que la deuxième aspect, c'est tout ce câblage qu'il y a là. Je vous ai dit qu'on essayait de se placer dans les conditions qui exacerbent, enfin qui permettent d'étudier le transport d'électrons à l'échelle la plus élémentaire. En fait, ces câbles vont permettre de propager des impulsions électriques qui vont déclencher l'émission d'un seul électron dans le conducteur. Donc on peut isoler un électron et l'étudier ? Alors, on peut l'isoler, en fait, vous allez voir que pas réellement. On peut ajouter de manière contrôlée un électron à beaucoup, beaucoup d'autres électrons déjà présents dans le conducteur. Nous, dans nos expériences, ce qu'on parvient à faire, c'est la source de tension, elle est contrôlée de sorte que, plutôt que d'émettre un courant continu et un flot continu d'électrons dans le conducteur, eh bien, elle va déclencher un électron, suivi d'un autre. Et cet étage-là, c'est là où se trouve l'échantillon. Donc l'échantillon, c'est une puce semi-conductrice. Ce qu'on va vouloir, c'est isoler la propagation d'un électron dans le conducteur. Il va être possible, en changeant les paramètres de l'échantillon, en fait, de contrôler le nombre d'électrons présents dans le semi-conducteur. Donc pour faire ça, on utilise des échantillons d'arsenure de gallium. J'arrive pas à relier à ce que vous m'aviez expliqué tout à l'heure. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben disons, là je peux pas vous montrer avec un microscope standard la partie la plus active de l'échantillon, parce qu'elle est trop petite. En revanche, en utilisant comme sonde des électrons à haute énergie, eh bien, si je décris l'électron comme une onde, donc en fait, l'échantillon qu'on a utilisé, on a des sources, ce qu'on appelle des sources d'électrons uniques, qui vont permettre de contrôler l'addition d'un électron dans cette partie-là, qui est le reste du conducteur. C'est des sources qui émettent charge par charge. Exactement. Alors, déjà, pour répondre à votre question de comment ça se connecte, c'est là où, par exemple, cette électrode-là, là, c'est elle qui va permettre de déclencher l'émission d'un électron. Et elle va être connectée à ces fameux câbles. Donc on va pouvoir amener sur cette électrode un pulse qui va pouvoir permettre d'émettre un électron à un instant bien précis qui va se propager vers cet autre élément ici. Alors comment ça fonctionne maintenant ça ? C'est ce qu'on appelle une boîte quantique. Donc cette boîte, elle fait typiquement un micron là. Donc vous en voyez les contours là. Donc là, ce que je suis en train de décrire, en fait, c'est une description pour l'instant qui est très corpusculaire du transport électronique. Ce qu'on observe, c'est des grains. Le courant est constitué de grains élémentaires, de corpuscules élémentaires. Des quantas. Voilà, des quantas de charge qui vont porter une charge élémentaire et que je peux fabriquer un courant par l'émission successive et périodique de quantas de charge élémentaire. Qu'est-ce qui peut manifester dans ces expériences que l'électron se comporte non pas comme un corpuscule classique, mais manifeste un comportement ondulatoire. Ces électrodes métalliques, elles ont une dimension typique qui est nanométrique. Donc ce qui va pouvoir se passer, c'est que l'électron va pouvoir néanmoins traverser cette barrière, donc c'est une barrière de potentiel qui repousse les électrons, elle est d'une taille comparable à la longueur d'onde des électrons. Donc là encore, on voit qu'on commence à déjà utiliser le langage des ondes. En fait, l'électron va avoir une probabilité d'être soit réfléchi par cette barrière de potentiel, soit transmis. Donc là, on est complètement rentré dans la mécanique quantique. On parle souvent de dualité onde-corpuscule, dans le sens où certaines expériences vont mettre en évidence un caractère corpusculaire, d'autres purement ondulatoire. Il y a aussi des catégories d'expériences où il faut vraiment utiliser pleinement le formalisme quantique sans se soucier réellement de savoir dans quelle description je me place, corpusculaire ou ondulatoire, pour comprendre le résultat de ces expériences. Donc ce qui est intéressant dans ces expériences-là, c'est que on est en train d'essayer de comprendre le transport du courant électrique comme si on réfléchissait avec des électrons indépendants. Jusqu'ici, j'ai pas du tout parlé de la présence des autres électrons dans le système. Et on a vu pourtant que la mécanique quantique se manifestait comme si l'électron était tout seul. Ce qui permettait de, justement, précisément, de discuter une optique électronique. L'optique électronique, ça veut dire que je fais une analogie entre les électrons et les photons. Et on sait que les photons n'interagissent pas entre eux, ce qui permet d'observer des effets d'interférence extrêmement forts. Parce que c'est une particule qui n'interagit pas avec son environnement. Est-ce qu'on peut encore parler d'optique électronique ? Visiblement oui, dans une certaine mesure. Néanmoins, elle va être complètement modifiée par les interactions de l'électron avec tous les autres conducteurs présents. Donc ça adresse la question de comment la physique quantique se manifeste dans un système complexe, et notamment dans lequel les interactions entre électrons, l'interaction de Coulomb, les électrons sont chargés, va jouer un rôle important. Et ces sondes quantiques, donc ces interféromètres à électrons, permettent de sonder cela, la physique quantique dans un système en interaction, avec beaucoup de précision. Voilà, le reportage de Céline Lozen au laboratoire à Pierre Aigrin de l'ENS sur cette dualité onde-corpuscule. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean-Héliopoulos ? Ah ben ça, je trouve que c'était formidable. C'est vraiment de très belles expériences qui se font là et qui, vraiment, c'est ce genre d'expériences qui nous ont quand même fait comprendre beaucoup mieux la nature de la mécanique quantique. C'est une chose, c'est d'écrire les équations, mais vraiment, si on veut vraiment comprendre la nature de la mécanique quantique, c'est à travers des expériences comme ça. Et justement, à l'école normale, on en fait beaucoup, c'est beaucoup, très bon. Mathieu Delbecq, vous qui travaillez, on va revenir dans quelques instants en physique dite de basse énergie, là, sur cette bascule de l'onde au corpuscule, ou du corpuscule à l'onde plutôt. Oui, donc effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Donc, dans le reportage qu'on a entendu, il y a eu énormément de concepts très intéressants et pas forcément évidents à intégrer en 6 minutes qui ont été donc évoqués. L'expérience de Gwendal Fevre, en fait, rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure, effectivement, sur cette dualité en corpuscule, où parfois on a l'impression de voir plus l'aspect corpusculaire, parfois plus ondulatoire, mais qu'au final, c'est bien en fait un état quantique qu'on manipule. Et donc, c'est typiquement effectivement ces expériences-là qui sont réalisées par l'équipe de Gwendal Fevre, où on fait du coup des sortes d'expériences d'interférométrie d'électrons qui révèlent à la fois donc les deux côtés. Ces systèmes, un point important qui a été évoqué par Gwendal Fevre, je pense au début, qui peut intéresser les auditeurs, c'est que c'est un système de matière condensée, donc on n'est pas dans l'électron soit autour d'un atome simplement ou dans le vide comme on a dans la physique des hautes énergies. On a de la matière, un métal, un semi-conducteur, comme on peut en voir devant nous. Et pourtant, donc, on va voir ces effets quantiques. Et pour ce faire, effectivement, il faut se placer dans des conditions où, les mécaniques quantiques émergent. En tout cas, on peut la voir apparaître. Et dans ce type d'expérience, un des ingrédients essentiels, c'est effectivement les basses températures dont on a parlé Gwendal. Et donc, il faut faire des comparaisons sur les différentes échelles d'énergie qui sont en jeu dans le système. Et donc, comme dans ces expériences qu'on a entendu parler, donc ça va se placer à des températures de l'ordre de quelques dizaines de millikelvin au-dessus. Du zéro absolu. Au-dessus du zéro absolu. Il faut que vous nous disiez un mot aussi, puisque vous dans la suite de ce reportage, pour qu'on comprenne bien ce qu'on appelle le paradoxe de la mesure. C'est-à-dire allez, c'est parti, vous avez une demi-heure, en quelques minutes, nous expliquer pourquoi mesurer un électron finalement interrompt cet état quantique. On rentre effectivement dans un sujet délicat qui peut même toujours un sujet à débat pour certaines personnes. C'est donc cette théorie de la mesure, c'est-à-dire que la théorie de la mécanique quantique va décrire uniquement d'une certaine manière en fait la probabilité qu'un état soit dans tel ou tel état. C'est le chat de Schrödinger, on va pas le refaire. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on va effectuer une mesure, ce qui nous intéresse, la particule qui nous intéresse, on va dire, eh bien, on lui impose de choisir un des états auxquels elle peut, dans lequel elle peut être, et selon une certaine probabilité qui est donnée par sa fonction d'onde. Et effectivement, une fois qu'on a projeté, cet état dans un de ces états propres, eh bien, on a fixé la particule dans cet état, et donc après, on ne peut plus effectivement, la voir évoluer comme elle le faisait avant. Voilà. Un mot pour compléter, enfin c'était très clair, mais un mot, Jean-Élie Lioupoulos, sur ce paradoxe de mesure. Bon, c'est justement un sujet qui est assez complexe. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une mesure ? Lorsqu'on mesure quelque chose, on fait interagir le système, l'électron, avec un appareil qui normalement est très grand, donc a énormément de degrés de liberté. Et c'est vrai qu'on n'est pas capable vraiment de décrire cette interaction au niveau microscopique. Donc on a une théorie, macroscopique, qui nous explique le résultat. Mais bon, c'est ça le paradoxe. Oui, voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Every Particle of the Atmosphere, toutes les particules de l'atmosphère à 16h30 sur France Culture dans la méthode scientifique du groupe de Mercury Programme, puisque nous parlons d'une particule élémentaire, de la plus abondante, de la première à avoir été découverte, l'électron. Nous en parlons avec Jean Idiopoulos, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et fondateur du laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure, et Mathieu Delbecq, qui est maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie. Alors il y a deux grandes façons d'étudier les électrons, à basse énergie dans la matière, comme nous avons pu l'entendre tout à l'heure, et puis à haute énergie dans les accélérateurs de particules. On va commencer par la physique de basse énergie. Mathieu Delbecq, c'est votre spécialité. On étudie donc notamment la conductivité des matériaux, et c'est précisément le comportement des électrons qui va dicter les propriétés de la matière. Alors tout à fait, donc si on parle effectivement de, pour, comme vous le dites là pour commencer, donc des matériaux, en fait c'est une première façon d'ailleurs aussi de voir donc dans ce domaine donc de la matière condensée, aussi donc une dualité, donc un aspect ondulatoire des électrons, c'est qu'en fait donc cet électron dans le solide, donc on a vu donc les noyaux, les atomes ont un noyau et un électron autour, donc les solides sont composés d'atomes dans un arrangement cristallin qui ont donc ces électrons à chaque atome, et si on considère en fait l'atome comme une onde qui va pouvoir se propager dans ce réseau cristallin, donc à chaque fois qu'il va rencontrer donc on va dire un atome, il peut y avoir une transmission, l'électron se propage tel une onde, et en fait donc à chaque position du réseau il y a un atome, il peut se réfléchir ou se transmettre, et donc évidemment il y a un grand nombre d'atomes dans ce réseau, et donc ça va construire une sorte de motif en fait d'interférence également, qui va construire ce qu'on appelle des bandes d'énergie, des bandes électroniques, donc qui vont donner donc les possibilités de mettre des électrons à certaines énergies dans le cristal, et qui vont dépendre donc de la symétrie du cristal, de ces arrangements des atomes. Et donc la symétrie du cristal, il faut bien entendre pour les auditeurs, quand on parle de cristal, on parle de solide en fait. C'est l'arrangement cristallin qui est l'arrangement des solides. Ça peut être des métaux, des semi-conducteurs, etc. C'est pas forcément du quartz ou de l'obsidienne. Tout à fait. Et donc effectivement, donc là on a un autre principe de mécanique quantique dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui va intervenir, qui va être le principe d'exclusion de Pauli. Donc il dit que les électrons dont on n'a pas parlé de ça, donc les électrons sont des fermions, donc une des grandes classes de particules, il y a les bosons, les fermions. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On va refaire le tableau complet de la physique des particules dans quelques minutes. Et donc ces fermions ne peuvent pas. C'est important pour la conductivité, l'aspect fermionique. Et donc du coup, on a effectivement le fait que deux fermions ne peuvent pas être dans le même état. Et donc quand on compte en fait le nombre d'électrons qu'on a à disposition dans le solide, en fonction donc du nombre d'électrons qui sont disponibles autour des atomes, on va pouvoir remplir ces bandes d'énergie dont je viens de parler. Et donc là, c'est là où, en fonction, du remplissage de ces bandes, est-ce qu'elles sont complètement remplies ou pas complètement remplies, que vont apparaître, les propriétés d'avoir un métal ou un isolant ou un semi-conducteur. C'est-à-dire que c'est vraiment l'origine de ces comportements. Trois grandes catégories de la matière. Pour redire juste rapidement un mot, et puis on rentrera un peu plus en détail dans le tableau des particules élémentaires, il y a effectivement les fermions d'un côté qui sont la matière. Vous allez me corriger. Non, alors, corrigez-moi. J'ai fait cette erreur pendant longtemps, même les bosons, Alors j'ai fait cette erreur, corrigez-moi, Jean-Guillaume. La distinction entre fermions et bosons. Je reviens dans l'histoire. Au début, c'était des espèces de règles de comptage. Comment on compte si on a plusieurs électrons et plusieurs... Mais comment on les compte? Les gens ne connaissaient pas beaucoup de particules à l'époque. Et les particules qu'ils avaient en tête, c'était d'un côté la lumière, les photons, et de l'autre côté les électrons. Et donc... Le comptage pour la lumière, c'était Bose et Einstein qui l'avaient fait. Ça s'appelle le boson, à cause de Bose, physicien indien. Et les règles de comptage pour les fermions, donc pour les électrons, c'était donné par Fermi. On n'a pas Fermi direct, parce que Dirac a interprété ces règles en mécanique quantique. Pendant longtemps, les gens disaient passer ça. Disons, boson, c'est la radiation, le photon. Et fermion, c'est la matière, parce que la matière, c'était les électrons. Donc, ils essayaient d'appliquer la règle de Fermi, même à des, par exemple, des atomes d'hélium qui étaient des bosons, en fait. Et Dirac avait fait tout un papier là-dessus où il écrivait, il disait que, bien sûr, les atomes, comme ça, ils contiennent des électrons, doivent être fermions. Or, c'est pas vrai, tous les atomes sont devant des atomes. Et ça a été compris beaucoup plus tard. Vers les années 30, on a compris que finalement, c'est le spin, c'est une autre propriété des particules qui détermine si les particules en question sont des fermions ou des bosons. Puisque les bosons ont des spins entiers et les fermions c'est ont demi-entiers. Voilà, c'est des demi-entiers. Un tiers, trois demi. Oui, un tiers, je veux dire demi-entier, premier. Enfin, bon. Bref, voilà. Un demi, trois demi, etc. Ça, voilà. C'était pour refaire la distinction entre les fermions et les bosons. On va revenir à ces trois grandes catégories de la matière que vous venez de décrire, Mathieu Delbecq. Les isolants, les conducteurs et les semi-conducteurs. La recherche s'intéresse principalement aux semi-conducteurs. En grande partie alors aux conducteurs aussi, mais et aux isolants aussi, n'importe quoi. Vous allez nous expliquer pourquoi ce qui constitue la différence justement dans les vous l'avez dit un peu dans les cristallins sur cette notion de gap énergétique qui va changer le niveau de conductivité d'un matériau ou non. Oui, donc effectivement, pour les métaux, on va avoir donc ces électrons vont remplir les bandes dont j'ai parlé tout à l'heure et ils vont pas remplir complètement une bande jusqu'à saturer cette bande d'énergie. Et donc ce qui fait quand on va vouloir faire bouger les électrons pour impliquer une différence de potentiel donc finalement pour faire bouger les électrons et donc induire un courant électrique, il y aura disons des états d'énergie directement au-dessus du dernier état d'énergie occupé qui est accessible directement par ces électrons, quelle que soit l'énergie la plus petite énergie qu'on met, les électrons pourront y aller. Et donc, on aura du courant qui passe. Donc ça va nous donner un métal. Pour un semi-conducteur, en fait, ce qui va, c'est qu'on va avoir une bande qui va être intégralement remplie. Et la bande du dessus qu'on pourrait commencer à remplir en fait, donc est vide. Et elle est gap. Mais il y a un gap, donc il y a une certaine distance en énergie entre ces deux bandes et qu'il faut dépasser en appliquant donc une différence de potentiel suffisante pour aller donc au-delà de pour faire passer des électrons dans la bande supérieure et induire un courant. Et dans le cas des isolants, et bien effectivement, donc là, on va pas rentrer dans des détails. Ces isolants les plus simples comme ceci, par exemple, c'est qu'on va avoir une bande interdite tellement grande qu'on pourra pas. En fait, finalement, appliquer un potentiel tellement important que ça va casser le cristal ou des choses comme ça. Alors, l'un des problèmes de la physique de basse énergie, c'est que c'est un problème de calcul. C'est-à-dire que pour le moment, arrêtez-moi si je me trompe, Mathieu Delbecq, il est virtuellement impossible de calculer, c'est-à-dire de prévoir les interactions des électrons dans un matériau. Il y a trop d'informations. Les supercalculateurs n'ont pas encore, peut-être l'auront-ils un jour, la puissance de calcul nécessaire. Ce qui implique qu'il faut avoir recours à ce qu'on appelle des quasi-particules. Vous pouvez nous dire en un mot ce que sont ces quasi-particules? Donc effectivement, ce qui a été dit est effectivement très vrai, c'est-à-dire que comme on a dit tout à l'heure, il y a un nombre colossal, d'atomes et donc d'électrons qui sont en jeu dans les solides, donc on va avoir des nombres en tête de par exemple 10 puissance 18, donc ça fait des milliards de milliards par exemple, d'électrons par mètre cube. Et donc il faut savoir que comme l'aspect ondulatoire dont j'ai parlé tout à l'heure fait que chaque électron, en fait, sa fonction d'onde donc va dépendre finalement de la position et de l'état quantique de chacun des autres électrons du système. Et donc là, c'est absolument impossible à calculer. C'est effectivement impossible. Et donc on fait des approximations. Et en fait, ce qu'on peut voir, donc c'est toutes les notions de quasi-particules, c'est qu'en fait cet électron, on va en considérer un. Et on va dire qu'il interagit avec tous les autres électrons, ainsi que différents degrés de liberté. Du cristal, comme par exemple les vibrations du cristal, et au final, ceci va renormaliser finalement. Donc, on va changer un peu tous les paramètres de l'électron en dehors de sa masse, d'ailleurs. En dehors de sa charge. Ça change sa masse justement. Ça lui donne une masse effective. Et donc, finalement, on se retrouve dans des quasi-particules électroniques, et on peut considérer ces électrons quasiment comme des électrons dans le vide. Qui vont se comporter comme un fluide électronique. On parle ici de liquide de Fermi, qui sont donc ces quasi-particules qui prennent en compte toutes les interactions du système. Voilà. Pour les quasi-particules, un mot peut-être aujourd'hui sur les travaux qui sont en cours ou qui sont prometteurs selon vous, justement dans cette physique de basse énergie autour des électrons. Vous travaillez vous-même sur des électrons qui sont confinés dans des boîtes quantiques. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors Tout à fait. Alors, tout à l'heure, Gwenaël a parlé de boîtes quantiques. Je travaille dans des systèmes de boîtes quantiques légèrement différents. En fait, ça consiste à venir confiner donc des électrons dans des systèmes donc alors on appelle zéro dimension, c'est-à-dire en fait on confine dans les trois dimensions de l'espace. Donc dans ces systèmes finalement donc là on, le fait de confinement fait que les électrons en fait vont pouvoir prendre seulement certains niveaux d'énergie. Donc on appelle souvent d'ailleurs ces boîtes quantiques des atomes artificiels. Hein, donc ça rappelle le modèle finalement de Rutherford des Bohr avec donc des niveaux précis et donc les l'atome effectivement. Et donc dans ces systèmes on peut venir mettre les électrons un par un. Donc on peut vraiment mettre zéro électron dans la boîte, puis un seul, puis deux. Ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage. Voilà, alors dans l'expérience de Gwendal, effectivement, comme il racontait, c'est que lui, ce qu'il contrôle, c'est le nombre d'électrons en excès qu'il ajoute sur le fondamental, qu'on appelle la mer de Fermi. Là, dans le cas des boîtes quantiques, comme nous faisons nous au laboratoire, on peut vraiment mettre zéro électron dans cet espace qui est notre boîte. Et donc là, il y a des ingrédients. Donc ici, un des gros intérêts par rapport, on va dire, à la physique des énergies, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des, finalement vraiment des mêmes choses, c'est que grâce à cette boîte, on a un contrôle vraiment fort sur des propriétés de l'électron. Par exemple, on peut donc cet électron, il est isolé dans la boîte, mais effectivement, il va avoir un contact, si vous voulez, un couplage avec l'extérieur, parce qu'il faut qu'on le mesure en fait. Donc, on est obligé d'y accéder, et donc ce couplage, soit va se faire avec un métal dont on a parlé tout à l'heure, donc les électrons du métal vont rentrer dans la boîte quantique, mais on peut aussi utiliser d'autres choses, par exemple des supraconducteurs qui eux vont avoir des propriétés électroniques différentes, et donc on va induire en fait des propriétés, disons, on va dire supraconductrices à la boîte quantique. On peut utiliser ces propriétés-là comme ceci. Et un autre aspect de ces boîtes quantiques, c'est que justement, on ne rentre plus, ou en tout cas ces systèmes, ces nano-circuits qu'on fabrique, c'est qu'on n'est plus dans le monde tridimensionnel, finalement, ou plus le temps, on va dire, de la physique des énergies, mais on rentre dans des systèmes électroniques qui peuvent être, alors, par exemple, en deux dimensions pures. Par exemple, il y a le graphène, donc qui est... Tout à fait, dont on a parlé ici même aussi, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter comme d'habitude. J'imagine, donc par exemple le graphène qui est un matériau bidimensionnel, ou des nanofils, donc par exemple nanotubes de carbone, ce sur quoi je travaille, qui eux vont être des conducteurs unidimensionnels, et en fait le fait de contraindre donc nos électrons ou nos différentes excitations dans un certain nombre de dimensions induit des propriétés qui sont non triviales et qui n'existent pas effectivement dans les systèmes tridimensionnels. Et on va parler dans un instant de la physique des hautes énergies justement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. C'était pour un tour très bref et très rapide par la physique des basses énergies. On va faire un tour un peu par la physique des hautes énergies. On va voir le temps que nous y consacrons, celle qui se passe précisément dans les accélérateurs de particules. Effectivement, c'est une toute autre méthode d'étude des électrons que celle que vient de décrire Mathieu Delbecq. En fait, c'est l'étude, c'est pas aujourd'hui, c'est plus uniquement les électrons. C'est une étude de la structure de la matière au niveau le plus élémentaire. Et c'est quelque chose où nos connaissances ont beaucoup évolué. Lorsque moi je faisais la physique, ça fait très longtemps, remarquez, les particules élémentaires étaient le proton, le neutron et l'électron. Depuis, on a appris que non, ça c'est pas élémentaire, il y a des choses plus élémentaires, les quarks, etc. Les quarks, oui. Et probablement demain, on va apprendre que tout ça c'est pas élémentaire, qu'il y en a d'autres choses plus petite à l'intérieur. On va y venir à ça. Voilà. Mais pour le moment, oui. Alors, il faut rappeler que les quarks sont des fermions, comme les électrons. Les quarks, c'est les électrons. En fait, on distingue d'une façon plus ou moins artificielle, mais pour l'instant, ça a un sens, ce que je dis. Et les particules qu'on connaît en deux grandes catégories. Ce que j'appelle les constituants de la matière, qui sont les quarks. D'un côté, l'électron et le neutrino, parce qu'il y a une autre particule, il vaut mieux ne pas y entrer parce qu'on finira jamais. On a consacré aussi une émission entière aux neutrinos et on va également vous mettre le lien, comme ça vous allez pouvoir savoir tout sur la physique des particules. D'accord. Mais effectivement, donc, ça demande Et d'autres que je vais décrire. Donc, ça, c'est les constituants de la matière, les particules élémentaires qui sont. Et après, il y a le photon et aussi tout. Le boson de Jouze, etc. W-, gluon, W+, on les appelle. On a des mots un peu fantaisistes, qui sont les vecteurs des interactions, qui transmettent les interactions. Donc, bon, ça a l'air artificiel. C'est un peu moins si on regarde le détail, mais en fait, il y a deux grandes catégories. Mmh. Et tout ça est très très bien résumé hein, par un tableau qui pose ça très bien, qui est le tableau des interactions et de la physique des particules que vous pouvez consulter en ce moment même hein, sur notre fil Twitter encore une fois. Peut-être une notion qui est importante, puisque donc on va parler donc l'électron est le plus petit, celui qui a la masse la plus faible des leptons. Peut-être non, en fait, les neutrinos sont beaucoup plus faibles. Les neutrinos sont beaucoup plus faibles, pardon. Mais oublions les neutrinos. C'est pour ça qu'on laisse les neutrinos de côté. Les neutrinos, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. Mais on va parler des électrons, des muons et des taux. Voilà, c'est-à-dire des trois leptons qui correspondent au quark. Peut-être est-il important pour aller vers ce vers quoi nous voulons aller, de comprendre un concept important, une notion essentielle qui est celle de l'universalité des leptons. Jean Iliopoulos, de quoi parle-t-on quand on parle de l'universalité des leptons? Oui. Alors maintenant, on entre dans un sujet qu'on comprend mal. Alors, si on regarde autour de nous, on va trouver que tout ce qui est autour, c'est le proton et le neutron, et les électrons qui tournent autour. Il y a aussi un rôle important pour les neutrons, mais on l'oublie pour l'instant. Donc ça, ce serait... Et les protons et les neutrons qu'on connaît sont formés à partir de deux quarks qu'on appelle up and down, U et D. Voilà. Donc, a priori, on pourrait s'arrêter ici et dire, voilà, les constituants de la matière, on les connaît. Les particules élémentaires. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et déjà en 1937, pour la première fois, on a découvert qu'il y avait une autre particule de première, la première, qui au début on croyait que c'était autre chose, mais enfin bref, ça a pris du temps. On a compris que c'était un autre lepton, c'était comme l'électron, beaucoup plus lourd, 200 fois presque plus lourd que l'électron, mais à part ça, pratiquement la même chose. Et après, c'est le muon. Le muon. Ça s'appelle le muon. Et avec le muon, on a trouvé après, bien après la guerre, qu'il y avait aussi deux autres quarks qu'on appelle Charm et Strange. Vous avez particulièrement contribué à ces travaux-là, Jean Iliopoulos. Il faut le noter. Non, mais c'est important. Ça n'a aucune importance. Si, tout de même. Donc, il y en avait donc deux encore, deux quarks. Donc, en fait, on a reconstitué un deuxième groupe de particules tout aussi élémentaires, d'après ce qu'on peut voir, qui faisait une espèce de copie Xerox, pour ainsi dire, exact, de la première famille. On les appelle familles maintenant. Donc, il y a la première famille, et après, on a trouvé une deuxième. Et un peu plus tard, on a trouvé une troisième. Donc, on connaît maintenant qu'il y a trois copies conformes de la même chose. La nature utilise ça, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune explication du fait qu'il y en a trois. Et on sait qu'il y en a trois parce qu'on a compté le neutron, il n'y a pas de quatrième. Donc voilà, ça à peu près on sait. Muon, tau. Donc pour l'instant, jusqu'à maintenant, on croit qu'en fait, à part le fait que le muon est beaucoup plus lourd que l'électron et le tau est beaucoup plus lourd que le muon, à part le fait qu'il y a une hiérarchie de masse, et c'est vrai aussi pour le quark, d'ailleurs, et qui le sont associés, à part ça, sont identiques. Et c'est ça qu'on appelle l'universalité. L'électron, ça veut dire que tous les trois jouent exactement le même rôle, sauf qu'il y en a qui sont beaucoup plus lourdes, donc qui deviennent instables, se désintègrent, etc. Donc la matière qu'on connaît, c'est uniquement les électrons, mais en fait, il y a aussi des copies de l'électron, de copies de l'électron comme ça. Et là, on arrive à ces Et on arrive à cette fameuse expérience, et on boucle la boucle à la fin de l'émission, à cette fameuse expérience du LHCb pour Large Hadron Collider Beauty, dont les résultats ont été publiés au début de l'été dans la revue Nature. Et donc, l'expérience qui témoigne d'une anomalie qui est passionnante maintenant qu'on a fait un peu le tour de ces connaissances autour de l'électron. Donc, il s'agit de la désintégration de certains mésons. Alors, peut-être redire en un mot ce que c'est qu'un méson. Ce sont un quark et un antiquark. C'est encore un mot qui a une origine purement historique. Maison, ça veut dire moyen. Parce que la première maison, qui était la maison Pide, hein, c'était avait une masse qui était intermédiaire entre l'électron et le nucléon, et le proton, etc. Donc c'était moyen. Bon, maintenant, le mot est resté pour tout, même les choses qui sont beaucoup, beaucoup plus lourdes que le proton, etc. Donc, bon, on les appelle maisons néanmoins. Donc c'est des maisons B qui, dans la composition desquelles c'est quark, qu'on appelle le quark B, intervient. Ça veut dire que c'est des particules qui, au lieu d'être formées à partir de quarks qu'on connaît, sont formées à partir de quarks plus lourds. Voilà. Donc, comme sont des quarks plus lourds, ils se désintègrent très vite. Et on a étudié le mode de désintégration, etc. Alors, il y a eu en fait trois expériences qui ont fait quelques années d'expérience à Stanford, et deux expériences qui sont au Japon, le Bell, et le LHB, qui est de loin la plus performante actuellement. C'est celle du grand collisionneur de Hadron. Oui, c'est le LHC, c'est vraiment et qui étudie, c'est une expérience dédiée à ça. Il y a les grandes expériences Atlas, CMS, qui sont généralistes, qui étudient tout, mais LHCb a été construite justement pour étudier les propriétés de ces maisons B, des particules B, dans lesquelles le quark très lourd B participe. Alors, bon, il se désintègre. Ils ont mis en évidence les désintégrations en mu, et un électron, et un tau, et un tau. Le tau, c'est le troisième, après le mu, le lepton le plus lourd. En principe, ça devrait être la même chose, enfin, à part le fait qu'il y a une différence de masse qu'on est capable de maîtriser. Et il y a une petite différence. Il y a une petite différence qui... Bon, il faut mettre tous les bémols qu'il faut, parce que pour l'instant c'est encore préliminaire. Ça n'a pas été confirmé suffisamment pour pouvoir être significatif. Oui, parce que vous voyez, c'est d'abord pour que ça soit vraiment... Pour l'instant, ça a l'air significatif. C'est 4 déviations standards, c'est beaucoup. Mais pour arriver à ça, il faut combiner des résultats de plusieurs expériences. Ça, c'est peut-être hasardeux. Donc, en plus, les calculs théoriques doivent être poursuivi de façon beaucoup plus précise. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de motivation de calculer ces choses-là à très grande précision. Maintenant, il faut le faire. Et si cette anomalie persiste, je dis si, il y a un si là, si cette anomalie persiste, ce serait vraiment la première fois où on met en évidence, un phénomène qui n'est pas expliqué par la théorie que nous avons. Redites-moi, en quoi consiste cette anomalie? C'est-à-dire que dans cette dégradation... Dans cette dégradation, il y a un peu plus de un tout petit peu plus, pas beaucoup, un tout petit peu plus de taux que de mu, par exemple, ou des électrons, surtout d'électrons, parce que ça, on le voit. Voilà Donc il y a une dissymétrie. Là où il devrait y avoir une symétrie parfaite, voilà, il y a une dissymétrie. Un tout petit peu plus, il y en a. Et alors, évidemment, on a envie de faire un peu de prospective. On a évidemment envie de poser des questions qu'on ne devrait pas poser parce que c'est un stade préliminaire. C'était Feynman qui avait dit que le progrès en science, c'est de montrer qu'on s'est trompé le plus vite possible. Donc voilà, parce que si on montre qu'on s'est trompé, on va au-delà. Donc pendant longtemps maintenant, on a un modèle théorique qui marche parfaitement. Et on n'est jamais jusqu'à maintenant arrivé à le mettre à défaut, de trouver quelque chose qui ne marche pas. On l'a même confirmé en 2012 avec le boson de Higgs. On l'a complété, on l'a observé. Donc maintenant, ça marche, ça c'est sur le papier, ça tient bon, c'est solide. Alors si maintenant ces résultats se confirment, ce sera vraiment la première évidence concrète qu'il y a une nouvelle physique au-delà de ce qu'on appelle le modèle standard. Et bon, on a des tas d'idées, qu'est-ce que ça peut être? Mais ce qui est intéressant, bon, toutes les idées sont totalement hypothétiques, pour le moment. Oui, pour l'instant, totalement hypothétiques, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces tentatives supposent l'existence d'autres particules qu'on n'a pas vues. Donc, c'est excitant, ça donne un champ de recherche nouveau, etc. Voilà. Ça veut dire des particules plus petites que l'électron, plus petites. Lourdes, non, c'est plutôt, ça sera plutôt plus lourde. Et donc bon, d'abord, petite, c'est pas un bon adjectif. Léger ou lourd, c'est plutôt mieux, parce que petite, ça suppose une extension dans l'espace, et on n'a pas de. Si on prend la dualité, plus c'est léger, plus l'extension de l'espace est grande. Donc, c'est pas vraiment. Mais ce seraient des particules, a priori, qu'on n'a pas vues. Bon, on dit que c'est lourdes, parce que s'ils n'étaient pas lourdes, on les aurait vues. Voilà, dans les accélérateurs, etc. Donc, c'est des particules qui sont lourdes, qu'on espère voir. Voilà. Mais ces particules fantômes, ça fait longtemps qu'on espère les voir. On a annoncé la naissance, la découverte d'une particule X, si c'est avéré que c'était une erreur de mesure. Donc c'est pour ça que pour le moment, il faut être extrêmement prudent. Exactement. Voilà. Mathieu Delbecq, une réaction à cette expérience. Alors c'est de la physique des hautes particules, c'est pas tout à fait votre domaine, mais néanmoins, la perspective peut-être de toucher du doigt une nouvelle particule, ça a des implications concrètes pour vous aussi, même en physique des basses énergies. Pas vraiment, pas pour l'instant. À l'échelle actuelle, de compétences au laboratoire, non. Effectivement, c'est on manipule uniquement des particules bien standards, électrons, atomes, photons. Mais est-ce que ça fait vibrer tout de même le physicien que vous êtes? Ah oui, tout à fait. Comme ça, j'ai le droit d'avoir. C'est à ce physicien-là que je m'adresse alors. C'est une physique où on s'est intéressé, effectivement, qui est passionnante. Et comme le disait Jean tout à l'heure, effectivement. C'est ce modèle standard qui tient depuis longtemps et qu'on n'arrête pas finalement. Enfin, régulièrement, on remet en question, en doute, et que finalement, il résiste toujours. Et est-ce qu'un jour, il va céder? Et ça, c'est effectivement, rien en soi, c'est une question qui est absolument passionnante. Jean Iliopoulos, pour conclure, est-ce que d'autres expériences, évidemment, vont être réalisées au LHC ou ailleurs, à d'autres endroits, dans d'autres accélérateurs? Les Japonais aussi vont continuer. Pour l'instant, les Japonais, pour l'instant, sont en travaux. Ils font mais ça va repartir. Et LHB continue. Jusqu'à la fin de l'année, ils vont, pour l'instant, l'accélérateur marche bien, le collisionneur. Donc, ils vont accumuler à peu près 3 fois plus de données que ce qu'ils avaient déjà lorsqu'ils ont publié le papier. Donc, ça va vers la fin de l'année. Donc, le temps de l'analyse, d'ici un an, même moins. On aura 3 fois plus de données, ça rétrécit un peu, c'est à peu près la racine de 3, plus ou moins, dans les erreurs statistiques. Donc on aura des résultats plus précis. Alors soit ça va se confirmer, soit ça va se délier, on verra. Eh bien, on suivra ça avec attention ici dans la méthode scientifique. Merci beaucoup Jean Iliopoulos, merci Mathieu Delbecq d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'électron tout au long de cette heure. S'il y a des petites notions qui vous ont résisté, si vous avez trouvé que ça vous grattait un peu trop derrière le cervelet, vous avez une chance inouïe, vous pouvez retrouver toute l'émission, la réécouter, la podcaster à l'envi sur le site franceculture.fr et évidemment en retrouvant également tous les articles connexes que nous vous avons postés au long de cette heure sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Eve Etienne, Hugo Bartholomé, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture. Tout à l'heure, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités si la sociologie nous a rendus irresponsables. Ce sera après le journal de 18h, aux alentours de 18h20. Dans quelques instants, deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, signée Marie Chartron et Julie Béressy, 100 ans après la révolution russe, héritée de 1917. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous apporterons une réponse à la question, que nous posons tous. Pourquoi les appareils récents tombent-ils en panne le lendemain de la fin de leur garantie? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'obsolescence programmée, est-ce un mythe, est-ce une réalité? Rendez-vous demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.